7h05. Hey, je veux revenir sur la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai eu des plaintes à mort, mais j'ai tout gagné, fait que pff, on va en parler encore. Mais différemment. OK? Pas de la même façon. Non, mais je vieillis, hein. Je deviens plus sage un peu avec le temps. Vous allez voir ça. Et en plus, il y a un Américain qui a dit la même chose que moi, encore pire récemment. Fait que je vais me servir de ça. Parlons de vote et d'élection. Mario, tu sais, je dis souvent qu'au Québec, ça pourra pas changer tant et aussi longtemps que 43% des Québécois, et ça monte tout le temps, ne paient pas d'impôts. T'arrives pour aller en élection. Tout le monde sait que l'État québécois est trop gros, offre trop de services et que les gens sont taxés et imposés plus que partout ailleurs en Amérique du Nord. Donc, il faut lâcher du lousse un peu sur les gens écœurés de payer des taxes en diminuant la taille de l'État. Ça, c'est pour moi pis toi. Parce que nous, on paie des impôts et des taxes et des tarifs et du gaz et voilà. On est écœurés, fait qu'on demande à l'État de couper dans le gras un peu, dans les subventions, dans les chèques, tout ça, dans le nombre d'employés, pour nous donner un break à toi pis moi. On aurait avantage à ce qu'il y ait un peu moins de services, quitte à ce que, pour qu'on paye moins d'impôts. Mais le gars ou la fille qui ne paie zéro sous d'impôts, quel est son intérêt à elle ou à lui? Sincèrement, à moins d'être quelqu'un qui a une vision vraiment large, tu sais, la personne, elle reçoit des services du gouvernement, santé, éducation et autres, et elle ne paie pas d'impôts. C'est quoi son intérêt à elle? Ben, parce que t'as raison sur le fait que si elle paye pas d'impôts, probablement qu'elle profite d'un paquet de services. Oui. Justement. Plus que toi qui paye de l'impôt. Donc, est-ce qu'elle a intérêt à ce qu'on fasse un ménage dans le gouvernement, puis qu'on coupe, puis qu'on slack les impôts puis les taxes? Non. Non, elle n'en paye pas. Quand moi je vous dis que, exemple, la santé, on entend ça souvent. La santé, c'est gratuit. Moi, je dis que c'est un des plus grands mensonges qu'il n'y a pas au Québec. Parce qu'on paie la moitié de nos impôts. La moitié de nos impôts vont au ministère de la Santé. Sauf que j'ai raison puis pas. C'est un mensonge pour toi puis moi de dire que la santé, c'est gratuit. On paye en sacrement. Mais pour lui qui paye pas d'impôts, pas une scène, taxe, rien. Lui, quand il rentre à l'hôpital, c'est vraiment gratos. D'ailleurs, c'est peut-être ces gens-là qui sont là constamment à l'urgence, jour après jour, puis tout ça. Eux autres, ils sont dans le système puis ça va bien. Donc, il ne pourra pas y avoir de changement au Québec, à moins d'une faillite et d'une décote et d'un call de New York. Électoralement parlant, tout parti qui propose un ménage dans l'État et condamner une défaite électorale. Tu sais, je m'amène en peau de ces gens-là. Butch, ton BS, man. De génération en génération. Penses-tu que je vais voter pour un parti de droite qui dit faut diminuer les impôts, puis voyons donc. Obliger le monde à travailler? Alors, la solution que j'avais déjà proposée, je vais vous la répéter, là. Mais je pense plus comme ça, j'ai évolué. À l'époque, ça m'avait valu une volée de bois vert, mais bon, on est fait fort, on assure. Moi, j'avais dit, pourquoi les BS votent? On devrait leur enlever le droit de vote. Ils ne devraient pas voter. Et mon argument était le suivant. Ça, c'est ce que j'ai dit à l'époque. Je dis plus ça, là. Ben, mon argument, écoute, c'était quand même pas totalement innocent. C'était peut-être exagéré un petit peu. Moi, je disais, mettons Mario, toi et ta famille, là. OK? Ou moi puis une autre famille ou n'importe qui, là. Tu sais, on est une gang. Tu décides une bonne journée d'accueillir un quêteux chez vous. Un démuni, un sans-abri. Puis d'y donner l'hospitalité pendant 2-3 semaines. T'es un bon gars, moi avec, là, on dit, pour que la personne se remette sur pied. Tu me suis? Puis là, finalement, au bout de 3 semaines, il est encore là, puis il colle un peu, mais en tout cas, il est dans le sous-sol, sincèrement, il dérange pas trop, puis il suit des cours, tu penses qu'il va s'en sortir. Mais bon, lui, tu le nourris, tu le loges, tu sais, il profite de tous tes services. Mais il travaille pas. Et là, à un moment donné, toi et ta petite famille, vous devez prendre une décision. Parce que t'as eu une mauvaise nouvelle, Mario. Économiquement, là, c'est plus serré que tu pensais. Et là, faut que tu fasses un choix. T'avais deux choix dans ta vie, là. Tu rénovais le sous-sol ou tu pars en voyage. Toi, tu voulais faire les deux avec ta blonde pis tes enfants, mais là, tu te rends compte que c'est plus possible. C'est soit qu'on va dans le sud, soit qu'on rénove les sous-sols, mais il faut faire un choix. Okay? Ça se peut que tu fasses pas ni un ni l'autre. Et peut-être, mais en tout cas, là, tu décides de faire voter ta famille. Parce que t'es un bon gars, tu dis, on va faire comme une démocratie. Tu réunis tes 3-4 enfants, mettons que tu en as 3, 4, 5, 6, ta blonde, tu dis, hey, la gang, on vote le sous-sol ou le sud. Là, ça arrive égal. 4 contre 4. Okay. Puis là, ton sans-abri, il sort du sol. Puis sais-tu quoi? Il dit, moi, voter, moi. Puis comme par hasard, moi, voter pour rénover le sous-sol. Parce que lui, dans le sud, il va pas, mais il vit dans ton sous-sol. Fait que tu sais bien que lui, il tranche. Est-ce que ça se peut que comme père de famille, tu décides de dire au sans-abri que t'aimes beaucoup quand même, là, t'es un bon gars, excuse, toi, quand vient le temps de décider où on met l'argent dans la famille, compte tenu du fait que tous tes enfants, ils travaillent tous, ils ont tous des petits jobs, pas pareil, mais tout le monde contribue à la famille. Il y a un pote, puis tout. Toi, t'es un sans-abri. On t'héberge par charité, mais tu contribues pas une scène. Donc, quand vient le temps de décider ce que je fais avec mon cash, exemple, le sud ou le sous-sol, ben poliment, ferme ta gueule. T'as pas à te prononcer. Tu trouves ça correct, ça? Bon, j'ai dit de quoi de mal, là? Le pire de ça, c'est que ça se peut que ta décision, ça soit un voyage ou une nouvelle voiture. Et que lui te dise, non, tu vas rénover le sous-sol. Ah oui, c'est encore pire que ça, il va te dire autre chose. Non, tu vas rénover le sous-sol. Parce que moi, je vis là, puis je trouve que là t'es, ton plafond en boîte d'œuf vide, là, comme on voit dans les années 70, c'est assez, là. Faudrait que tu me permettes de vivre mieux, moi. Ouais. Tu vois bien que ça marche pas. Fait qu'à l'époque, m'appuyant là-dessus, à l'époque, j'avais dit, les BS devraient pas voter. On devrait au moins en parler, en jaser d'un système. Bon. Là, si je reviens là-dessus aujourd'hui, c'est pas pour faire exprès, là. Ce que j'ai dit à l'époque, je ne le répète pas. Mais il y a un millionnaire américain, un milliardaire, qui est allé proposer ça. Ça a fait les manchettes de tous les médias. C'est drôle, hein, quand ça venait de moi, il me tombait dessus. Mais là, c'est un Américain, ils l'ont tout repris. Lui, sa stratégie, c'est, enlevons pas le droit de vote à personne, mais donnons des votes comme dans des compagnies à actions. Tu sais comment ça marche? Ouais, une action, un vote. Lui, il disait, $1 d'impôt, un vote. Fait que je paye 1 million en impôt, j'ai 1 million de votes. Tu payes 10$ en impôt, t'as 10 votes. Sais-tu quoi? Même sa solution à lui, je la trouve trop radicale. Le gars, en passant, était sérieux, là. Mais oublions ce que j'ai dit dans le passé et oublions ce que lui a dit. Voici ma nouvelle idée. J'en ai une nouvelle. Oh, t'as de quoi entre les deux, là? Ouais, j'essaie de voir un peu sans... Chacun a droit son droit de vote pareil. Okay? J'enlève ça à personne. Question de dignité humaine. Tu sais, les gens sur le BS, là, j'en ai qui m'écrivent régulièrement, qui sont en deux jobs, là. Puis, tu sais, ils vont s'en sortir. Ouais, BS pis... temporaire. Ah oui, moi, je respecte ça. Là, je sais pas. Puis, garde. Droit de vote à tout le monde à l'Assemblée nationale. Mais on crée un nouveau comité. Un genre de petit Sénat. OK? Pas avec plein de monde, là. C'est une trentaine de sénateurs qui, eux, auront, entre autres, à se pencher sur la question de la fiscalité des Québécois. Toute question votée à l'Assemblée nationale relative à la fiscalité devra passer par ce Sénat-là. OK? Juste une trentaine. Ils ne sont pas payés cher, là. 50 000 par année. Pas la fin du monde. Ils peuvent être gérants dans un bar de danse. Et ce Sénat-là, pour être élu, ça va marcher selon tes impôts. C'est-à-dire que si tu payes zéro impôt, tu voteras pour personne à ce Sénat-là. Si tu payes entre 0 et 20 000 d'impôts, tu as un vote. Si tu payes entre 20 000 et 40 000 d'impôts, tu as deux votes. 40 et 60 000 d'impôts, trois votes. Tu me suis, là? Et ça continue. Oui. Et ce Sénat-là n'aura pas à toucher aux questions de santé, d'éducation, sociale et autres. Ça va être encore le Parlement qui va faire ça. Et tout le monde a un vote au Parlement pour respecter le principe d'égalité. Mais comme les questions fiscales ont aucune chance d'être réglées et d'évoluer au Québec tant que 43% des gens paient pas d'impôts, ben on dit, je dis le Sénat, ça pourrait être un comité. Les questions dont on monte-tu ou pas les impôts, les taxes, faut absolument n'importe quel parti qui veut jouer là-dedans, augmenter la TVQ, augmenter les impôts ou les tarifs, comme Mme Marois arrête pas de le faire, ça doit passer par un Sénat où ton nombre de votes est attribué au nombre d'impôts que tu payes. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Studio en commercial FM93.com. Voyez que je suis plus sage qu'avant, là. Ah, t'es quand vraiment... Même... T'es... Hein, tu grossis l'État, par exemple. Ah, 25 à 30. Sérieux, là? Je t'agace. Si, ouais, un peu, mais regarde, on en mettra 10. C'est une structure pour faire en sorte que on ait un certain contrôle sur les dépenses de l'État et la fiscalité. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Hey, ça arrivera jamais, mais bon, oui. T'as demandé aux gens de t'écrire ceux qui sont ailleurs? Ouais, y en a-tu? Bon, ma blonde et moi, on est en Thaïlande. Belle maison pour $500 par mois. 2 retraites. Pensez-vous que je m'ennuie du Québec? Un autre, il dit, je suis chirurgien, je suis à Boston. Salut, c'est quoi? Non, moi, juste les noms qu'on les salue, les prénoms. Jean. Salut, là. Jean. Après ça, j'ai Mike qui est à Boston. Il dit, je suis chirurgien. Ouais, il est parti. Quand je disais que c'est pas un moins pire qu'ils sont partis, là. Monsieur Régent qui dit « Je suis candidat pour quitter le Québec. Ça fait plus de 2 ans que j'y songe sérieusement. Évidemment, je suis dans le groupe des 20% qui payent 80% d'impôts. » Et après ça, Jerry nous a réécrit. Je veux juste oui, voir, dans les Philippines. J'avais une ferme laitière. J'ai vendu mes vaches parce que l'UPA nous fout retour de bras. J'ai lâché prise et il manipule les producteurs. Il part sur là-dessus. J'ai pris la femme et mon père et frère et je suis parti. Alors, salutations, Jean, Mike. Regarde, c'est des médecins, c'est des hommes d'affaires, c'est des gens qui ont les moyens de s'en aller, de partir, qui quittent le Québec. 7h15. En direct de Sotchi, la Lada de la radio. Dadabou 93. En attendant, on va rester ici et on va continuer d'encourager nos...